Lundi 1er octobre, les conséquences de la chute. Les conséquences de la chute furent considérables. La désobéissance d'Adam et Ève initia la rupture de cette interdépendance harmonieuse entre toutes les formes de vie. Pire encore, elle introduisit chez les êtres humains la désunion, la discorde et les divisions qui existent encore aujourd'hui. Le désaccord est immédiatement visible dans la manière dont Adam et Ève ont cherché à rejeter la faute sur autrui. Depuis, les choses n'ont fait qu'empirer. Lisez Genèse chapitre 3, les versets 16 à 19, et Genèse chapitre 4, les versets 1 à 15. Dans ces passages, qu'est-ce qui révèle les conséquences du péché et son impact sur le monde harmonieux que Dieu avait créé? La désobéissance d'Adam a été la source de nombreux événements et de conséquences qui, au fil du temps, ont affecté toute la création divine. La nature elle-même a commencé à souffrir des conséquences du péché. Les relations humaines ont également été affectées. Cain et Abel, deux frères qui auraient dû s'aimer et prendre soin l'un de l'autre, se sont éloignés parce que l'un a voulu suivre ses propres penchants égoïstes au lieu de suivre le monde d'adoration prescrit par Dieu. Cette séparation a abouti à la violence et à la mort. Cependant, la réaction de Cain était davantage dirigée contre Dieu que contre Abel. Il était très en colère contre Dieu, et cette colère l'a rempli de rancœur envers Abel. La désobéissance brisait davantage les relations humaines. Le Seigneur vit que le mal des humains était grand sur terre et que leur cœur ne concevait jamais que des pensées mauvaises. Cette méchanceté a finalement abouti au déluge et à l'incroyable dévastation de la création originelle de Dieu à la suite du déluge. Mais même à ce moment-là, Dieu n'a pas abandonné l'espèce humaine car il a gardé un reste, Noé et sa famille, pour tout recommencer. Après le déluge, Dieu a fait une promesse à Noé et à sa famille. L'arc-en-ciel devait leur rappeler à jamais sa bienveillance et ses promesses, sa bonté et sa miséricorde. Dieu a institué une alliance avec Noé et a rétabli son plan originel, celui d'avoir une famille humaine, unie, fidèle envers lui et envers sa parole. En quoi le péché entraîne-t-il la division ? Parmi les choix que vous pouvez faire dès à présent, lesquels peuvent avoir un impact puissant pour contribuer à restaurer l'harmonie ?